y a de l'aubaine, l'aubépine, de la pointe de ses épines, à la rondeur de ses pétales. Il y a de l'aube qui s'étale. Quand l'aube sonne ses matines, ce n'est pas pour la capucine. L'aube réserve sa blancheur à une certaine sorte de fleur. Racée jusqu'aux racines, dont la noblesse se devine. Son teint éclate au petit jour. Cela se sait depuis toujours. Sort pas d'un concours l'épine. Elle est d'une extraction divine. Aucune toile, aucune n'est pure. N'ébauche à une robe aussi pure. Ni la rose, ni l'églantine ne sauraient être ses voisines. Elle règne jusqu'au bout des temps, mais on en fait des ailes pourtant. Elle règne jusqu'au bout des temps, mais on en fait des haies pourtant.